ατόμους από το πόντα. Να μπω μαζί, να μπω μαζί, να μπω μαζί. Magique, gros doudoune, c'est l'hiver. En crap sur GSXR, ça fait ville à bord de mer. Avec la vue sur la bonne mer. Quand ça court mon castin, ben eux il a rasé le casin. Il a braqué des magasins, c'est caché sur le toit du voisin. C'est fini, ça sort les armes. Mais y'en a, ils se prennent dans des BZ. Faites gaffe à qui vous donnez la force. Parce qu'y'en a, ils vous font des BZ. Faites gaffe à qui vous donnez la force. Parce qu'y'en a, ils vous font des BZ. J'fume de la beuh magique. J'fume de la beuh magique. J'fume de la beuh magique. J'fume de la beuh magique. Je tasse si je me casse. Je tasse si je me casse. Je tasse si je me casse. Je tasse, tasse, tasse. J'fais mal le signe, sors les pouces. Merci, au revoir à l'épice. J'suis en feu ce soir, les couilles. Ils ont pas chiché, ils se font des crises. Ambiance électrique. J'ai des pas dedans, j'suis dans le truc. Fais pas le fou, il t'a mis la trique. Depuis que t'as peur, qui te traque. J'fais des pompes, les pecs comme train. J'en ai marre du rap, me mets de la fin. Si j'arrête le rap, j'vois la vie en ping. Pour l'instant, j'vois que t'es mirant, j'dirais que tu es en plan. J'fume de la beuh magique. J'fume de la beuh magique. J'fume de la beuh magique. J'fume de la beuh magique. Je tasse si j'me casse. Je tasse si j'me casse. Je tasse si j'me casse. Je tasse, tasse, tasse. J'fume de la beuh magique. J'fume de la beuh magique. J'fume de la beuh magique. J'fume de la beuh magique. Je tasse si j'me casse. Je tasse si j'me casse. Je tasse si j'me casse. Je tasse, tasse, tasse. J'nique tout, j'me médaille. J'mettais le pot sur le boulevard bail. Jamais tiré de rail. Dans la zone, ça déraille comme dans rail. Mon caprice, c'est une banane. Mon 50 à la banane. Mon caprice, c'est une banane. Mon 50 à la banane. J'avais une charte postale avec la piscine. Plein de pochons dans la cuisine. J'fais les gros sons, elle bouge la zine. La zine, la zine, la zine, la zine. La zine, la zine, la zine, la zine, la zine, la zine. J'fume de la beuh magique. J'fume de la beuh magique. J'fume de la beuh magique. J'fume de la beuh magique. Je tasse si j'me casse. Je tasse si j'me casse. Je tasse si j'me casse. Je tasse le métro. La moto. J'fume de la beuh magique. J'fume de la beuh magique. J'fume de la beuh magique.